Tu me cherches dans la street, tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro. Tu me cherches dans la street, tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro. Le système un gros doigt d'honneur. Respect à ceux qui savent le bonheur. Tout s'obtient, tout se vend, tout s'achète. Ça veut l'âge de billets pour trouver bonheur. Mais ça marche, on garde la même combinaison. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, chacun ses raisons. Ça veut ramener dans ses bifs à la maison. Ravitaille, cargaison, toutes les 4 saisons. Poteau, plus de sentiments, seuls les chiens sont fidèles. Virginité perdue dans une sofitelle. Faut de l'alcool dans le sang pour avoir envie d'elle. Mélange crazy tiger, votre cadre en vitel. Ils ont besoin de pépons pour être validés. Les flics qui s'entre-sucent comme des canidés. Pour l'argent, plus famille comme les Hallyday, hein. Ça pourrait faire des choses comme t'as pas idée. Nique le game, ta mère, la reine des putes. Faut que la jouer perso pour marquer des buts. Je me avec les fans comme avec les potes, crache sur les faux. J'ai plus de respect pour les putes. Ça me respecte plus que toi dans ton barrio. Comme Balotelli Mario, à trop jouer les épées Gagno Ario. Tu finis criblé comme Colonel Cario. Je suis chef de famille, pas de Gambino. Quand je pars, je n'aime pas être interrompu. Envie de tout niquer depuis Bambino. Un putain de système des plus corrompus. On veut se barrer, investir à Benidorm. Ça distère des grammes dans le corridor. Déjà tout petit, on rêvait d'or. Papa fait de la maille comme bébé d'or. Je me cherche dans la street, tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro. Tu me cherches dans la street, tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro. En 450 je fais le tour de la ville. Je peux te mesurer petite folle pas civile. J'esquive les monstres. La guarda civile, un gros pétard de seum dans la barre mobile. Fais pas le fou, je m'en bats les couilles de quitter. Pour mieux lever le thème, c'est quitter. Aucune fraternité privée de liberté. En toute égalité, parlez pas d'équité. Chacun pour soi, chacun surveille ses intérêts. À cause du bif comme un frère enterré. À cause d'une balance comme un frère déféré. Poto, à cause d'une folle comme un frère enterré. Série de cristal de street pour les potos. Polydamant, faut que la bosse soit auto. Charger le sac à dos sur la moto. Y'a que de la peu frac à MK sur la photo. Et poto, ça charbonne depuis Mino. Et parrain, les potos tombent comme des dominos. Ils aiment bien les mafieux du Jared Pacino. Que des robes se cramer comme des latinos. Quelques grammes ça joue les rines à Toto. Ça se fait pigeonner par petit chatoun. Entre toi tout putain y'a pas photo. Ça joue les requins c'est des petits systèmes et ketoun. Ne parle pas fait mieux que nous. Nique le game on est pas dans le genou. BDI à la peu frapper de chez nous. Ça roule des pétards pilote avec le genou. Avec la balance qui part à l'audition. Dans tous les cas faudra payer l'addition. Freestyle de street on a taffé 10 sons. Camille musique n'a pas le mission. Je me cherche dans la street tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro. Tu me cherches dans la street tu posais. 23 c'est le zoo. Tous ghettoisés, grosse peine pour si peu tu résors. C'est la même hiver qu'on était, endetté ça fait les gros. Ça trahit normal et considéré comme un bro.